divers. Ok, pouvez leur dire que je m'en cogne. Pour ça je vous remercie bien. Au pire j'abandonne, y'a comme un goût de merde qui revient. J'avoue, je me cramponne, à bonheur j'dis rien. Je savoure cette vie de chien, ouais l'amour mec j'y tiens. Dis-leur que je la force, elle a de vis du paco. Je la brise et la retourne, mets la cerise sur le gâteau. La crise est partout, réalise tout le tableau. Pénalisé à genoux, cramé ce fichu drapeau. Dis-leur qu'on en chie trop, foutu de son honteux. Avec ou sans chico, on a tous une dent contre eux. Bouche cousue dans l'ombre, ce président parle mal. Quand la fierté se ravale, c'est le goût du sang mon vieux. Dis-leur qu'ils sont nombreux à penser comme nous. Dur d'avouer l'échec sans avancer notre faux. Pareil que la route est longue, la chance est au bout. À quoi bon nous répondre, mec, la France est notre trou. Dis-leur que je prends un P, mais pourquoi ai-je peur de la race humaine? Vu que je rappe ma haine, mes pleurs ne vont pas te rassurer. Dites-leur qu'un 7, c'est la même avec la mer en plus. Dites-leur qu'on n'est pas sportif, mais sur scène on vient te rassurer. Dites-leur qu'on fait du rap, normal d'avoir de la modestie. Vu que rien n'est durable, on revendique donc zéro mot d'esquive. Dites-leur que j'essaye de suivre l'exemple du prophète Mohamed. Que bien avant de changer les gens, faudrait que je change moi-même. Dites-leur qu'on se rattrape pas, pleine lucarne, on vise le but. Dites-leur que c'est l'heure de mon jugement, que le passé me rattrapera. Dites-leur que j'écris des tas de lignes, ne crois pas que j'arrive libre de préférer l'humour de Chaplin à celui de Charlie. Moi j'ai que ma petite colline, vous tombez du sommet. Paradoxal, vu réussir depuis que mes rêves n'ont plus de sommeil. Et c'est fou, ma terre pleure, j'en ai marre de voir autant de familles. Dites-leur que la classique c'est plus qu'un label, c'est une grande famille. Dites-leur qu'autant qu'il me restera la force d'y croire. Dans cette pénombre immense, je chercherai le soleil comme Icar. Dites-leur qu'on a su combattre. Que si aujourd'hui on valide pas le diable, c'est qu'on a déjà vu le contrat. Allez leur dire, oui, qu'il manque des frères dans le cercle. Des absences qu'on laisse muettes avec des vers dans le zen. La haine, une conséquence comme un retour de flamme. Dites-leur que j'ai pas appris à faire du chiffre en cours de maths. Dites-leur qu'on méprise leur force parce que personne kiffe l'ordre. Dans ce bordel, y'a ceux qui se plaignent et ceux qui mordent. J'sais pas vraiment s'il y a de quoi s'en remettre. Mais j'ai su faire en sorte que ça aille s'en remettre depuis mes 14 berges. Les gars, ton gage, c'est d'avoir du pèse à gauche. J'nourris aucune rancœur, juste l'estomac de mon marmot. Esquinté, dites-leur bien qu'on a des bleus à revendre. Qu'on ne côtoie plus la peur qu'on l'a connue avant. Dites-leur qu'il n'y a pas vache pour souffrir ou pour se rendre compte que la vie frappe fort. Qu'on aimerait lui sourire, que je suis bon qu'à chier un artiste. Hardcore déçu des conséquences et nos routines bien trop pressantes. Blessures en guise de bons souvenirs, ne crois pas complaisante. Habitué à lutter comme un militant opposant. Aucune égalité entre les ministres et mes potos. Sans boulot ni espoir, vu que la France les laisse croire que tout est perdu d'avance. Mais les bras, mes gars, ne les baissent pas. Dites-leur qu'on a la plume face à leur espace. De l'herbe grasse pour se détendre et un réel besoin d'espace. Pas d'espèce ou trop peu. Dites-leur qu'on a aigri leur vis. Que tous les types ont placé les yébis plus que les dealers fils. Dites-leur vite qu'en vrai même si on criera haut et fort. Que les autres pensent tout bas sans faux semblant et sans trop d'efforts. Ils collent des corps et bizarre. Dites-leur juste qu'on a plus rien à perdre. Pour moi le rap est vital, s'il te plaît enfonce-moi bien la pierre. On n'a pas le temps de vivre, qu'on prend les risques et les coups et... Qu'on n'effacera pas les vices et les doutes. J'ai peur du vide au fond de la tête de ceux qui parlent trop. Dites-leur qu'on marche avec des rêves et pas des fardeaux. C'est leur débat, je veux pas danser sur la corde raide. Dites-leur qu'on est des chanceux penseurs, que la mort me guette. Moi, et j'ose le débat, mais les portes se ferment. Dites-leur qu'on parle du poids de nos carences quand nos poches se percent. Et l'époque me laisse sans voix, y'a pas de loi car y'a que des voix de garage ou des femmes avares. Et c'est pas ma cam, en fait j'y perds mes rations de survie. Dites-leur qu'on n'est pas des leaders, ni même les patrons du ring. J'ai pas la recette pour faire des hits pour les petites filles. Ni l'art d'oser les deals et pour défiler dans les vitrines épuisées. Vous leur direz que je prendrai ma part mais pas les miettes. Ma parole ne pense pas les peines et perso je comprends pas les miettes. Dites-leur que c'est celle d'hiver. Même un 30 mars, aucune rente dans mon univers. Sinon celle de ces rimes éparses. Dites-leur la taille des plaies, de l'abîme des puits sans fond. Le détail de mes couplets que ceux qui savent depuis s'en font. Dites-leur qu'on a pressé nos disques avant des likes, sans stress et pris des risques. Un paravent, une feuille, un mic. Qu'on part tous aux cieux, que le diable est grave opportun. Les cœurs fiables, rares et précieux. Que t'es un brave si t'en portes un. Dites-leur que les miens requinquent, que j'ai mérité des calottes. Qu'elles sont bien 4 ou 5, que mes vérités sont palottes. Dites-leur que cette route est truffée de gags et de requins. Que seuls les arlequins sur toutes les vagues ont surfé. Dites-leur qu'en fait on vient survivre à l'avalanche. Qu'on s'est refait dans la défaite, faire la fête ivre de revanche. Qu'on est des princes, qu'on livre bataille sans label. Que c'est les mêmes qu'on rince depuis la taille et la gabelle.